font leurs pensées assassines pour noircir encore quelques pages. Sous la lune, ils vont sans origine et sans autre but qu'un peu d'orage, poursuivant une joue d'opaline, endormie dans le fond d'un mirage. Poings aux poches, ils rejouent à James Dean, 17 ans, toujours la même image, le carreau du ciel dans la cuisine, le cahier aligné, le rivage. Enfin, des hommes et des femmes qui attendent quelque chose, quelque part, sans très bien savoir quoi. Les sons, les bruits de hasard, les yeux croisés sans les voir, les revolvers. Sous la lune, doucement, s'obstinent sous leurs pieds, le jour n'emmène pas l'âge. Ils sourient à la nuit qui dessine les contours étranges des nuages, étouffant leurs pensées assassines sous les notes qui couvrent les pages. Ils rejouent l'histoire et les ultimes.